dissipez vos alarmes. Les dieux nous ont donné la paix. Ciel! Albert Rame ont déposé leurs armes. Enfin, je puis revoir vos charmes.